j'écrivais des petits haïkus. Je les envoyais par email à plein de gens. Cette femme a été arrêtée parce qu'elle était sortie dans la rue pour attraper son gosse de 3 ans qui s'était sauvé. Nous avons demandé à un voisin ce qui allait lui arriver. Il nous a dit, on va la mettre en prison et la battre. Alors nous l'avons suivie. Au bout de la rue, il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui étaient arrêtés aussi et qui chantaient en mesure sous l'œil des militaires.